Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et on va rester à l'Université Laval, mais on va changer de département, direction le département de biochimie, de microbiologie et de bioinformatique où des chercheurs ont publié récemment une étude sur la propagation des virus pathogènes dans l'air. Et j'ai à mes côtés Camille Bélanger-Vincent qui va nous dire de quoi il en retourne. Bonjour Camille. Bonjour. Oui, donc aujourd'hui je vous parle d'une étude qui a été publiée récemment à l'Université Laval, ben, en fait par une équipe de l'Université Laval, donc publiée le 28 décembre dernier, c'est assez récent, dans une revue américaine qui s'appelle Plus One. C'est une étude qui a été dirigée par la chercheuse Caroline Duchesne, qui est donc, comme tu le disais, professeure au département de biochimie, microbiologie et bioinformatique. Et elle mène ses recherches, bon, à l'Institut universitaire en cardiologie et pneumologie de Québec, l'ancien hôpital Laval. D'ailleurs, j'ai parlé à la chercheuse là, Caroline Duchesne en préparation de l'entrevue, en préparation finalement de la chronique. Puis, c'est une ancienne enseignante à moi-même qui a étudié en microbiologie, donc était d'ailleurs plus à l'aise que ce soit quelqu'un qui est dans le domaine, là, qui tout à fait. On comprend un petit peu plus facilement. Bon, effectivement. Ça fait déjà 7 ans, par contre. Donc, c'est un petit peu lointain. Mais bref, la spécialité de cette chercheuse-là, c'est le transport des microbes dans l'air. Et dans sa plus récente étude, elle a tenté de déterminer si des désinfectants qui étaient utilisés actuellement pour détruire les micro-organismes sur des surfaces pouvaient également éliminer les virus qui sont en suspension dans l'air. Je trouve que c'est une excellente question. Oui, c'est ça. Donc, sans changer le produit en tant que tel. Donc, ils ont choisi 4 produits qu'ils ont testés en laboratoire, des bombes aérosols qui sont actuellement disponibles sur le marché. Les 4 produits sont le peroxyde d'hydrogène, qui est un désinfectant qui est bien connu puis qui est fréquemment utilisé. Même pour les surfaces de bureau? Oui. Okay. Dans le domaine médical, ça va être... Oui, c'est ça. D'accord. Donc, c'est rare que chez nous, on fait une dilution, là, mais oui, on pourrait. Il y a le mist, qui est un produit commercial que je connaissais pas, mais qui nettoierait les habitacles de voitures. Okay. Le pledge, un désinfectant commercial pour surface. Oui, je me souviens que ma mère l'utilisait pour épousseter les tables. Ben, je connaissais pas non plus, non, c'est ça. C'est plus de mon âge. Peut-être. Et l'eugénol, qui est un composé naturel présent dans certaines huiles essentielles et dans des produits antiseptiques, là, utilisés notamment en dentisterie. Et je crois que ça vient du clou de girofle, l'eugénol, je pense. Je te crois. Okay. En soi, c'est une étude qui est relativement simple, un peu comme on le disait, parce que ça utilise des produits qui existent déjà. Et pour Caroline Duchesne, ça constitue une preuve de concept qu'on peut exposer un micro-organisme présent dans l'air à un produit sous forme d'aérosol et que ça peut avoir un impact sur la viabilité de ce microbe-là. Parce que, en effet, là, les résultats finalement de l'étude, ce qui ressort, c'est que 2 des 4 produits testés, le pledge et l'eugénol, parviennent à éliminer jusqu'à 90 % des virus qui sont testés en labo. Donc, ça semble très efficace, là. Mais pourquoi tester dans l'air des produits développés pour être utilisés sur des surfaces? Est-ce que ce serait pas mieux de développer des produits spécifiques à l'utilisation comme antimicrobiens dans l'air? Oui, c'est ça. Ben, en fait... Un empêche pas l'autre, en fait. Donc, il peut y avoir production de création de nouveaux produits. Par contre, le but de l'étude était plutôt de voir s'il était possible, de manière, comme je le disais, plutôt assez simple, en utilisant des produits qui sont déjà donc testés, d'ajouter la notion de nettoyage de l'air aux procédés qui sont déjà établis là, de désinfection, des procédés qui sont établis dans les écoles, dans les garderies, dans les hôpitaux, etc. Parce que pour la chercheuse Caroline Duchesne, on oublie trop souvent l'impact que peut avoir l'air sur la transmission des agents pathogènes. Elle, c'est son sujet d'étude. Donc, ça l'interpelle particulièrement. Puis, il y a d'ailleurs très peu de technologies qui existent actuellement pour traiter l'air contre les micro-organismes. C'est ce qu'elle m'expliquait. Par exemple, si un enfant vomit dans une salle de classe, ce qui arrive à l'occasion, on va nettoyer le bureau, même le plancher, les mains des élèves, etc. Mais il n'y a rien pour nettoyer l'air. Même chose à l'hôpital pour un patient, par exemple, qui dans sa chambre aurait la gastro trop. Et pourtant, on sait que la transmission de certaines infections peut se faire par l'air. C'est notamment le cas de la rougeole, de la varicelle et probablement de la grippe. Mm-hmm. Par contre, il faut savoir que c'est très difficile. C'est ce qu'elle m'expliquait aussi, Caroline Duchesne, que c'est difficile d'établir assurément qu'un virus ou qu'un pathogène est transmissible par l'air. Donc ça, c'est très dur à prouver. Mais le mandat, finalement, que se sont donné Caroline Duchesne et son équipe, c'est donc de voir si le fait d'utiliser dans l'air des produits reconnus comme étant efficaces pour traiter les micro-organismes pourrait en avoir un impact sur la transmission de ces pathogènes-là. Et son projet de recherche, là, pour répondre finalement à ta question de départ, c'est un peu comme un projet pilote pour tenter de démystifier tout ça, mais ça veut pas dire que c'est la seule option possible. Et donc, qu'est-ce qui ressort de ça? Est-ce que ça semble effectivement avoir un impact? Ben oui, en fait, parce que là, comme on le disait, il y a deux des produits qui ont été, très efficace à 90%. Donc, ils ont eu un impact majeur sur la viabilité des micro-organismes dans l'air. Mais là, il faut se rappeler qu'on était dans des conditions de laboratoire. Uh-huh. Et donc, on est au début du processus de recherche. Uh-huh. Mais déjà, le Centre scientifique et technique du bâtiment en France, avec qui l'équipe de Caroline Duchesne a réalisé l'étude, est en train, lui, de tester les différents produits qui sont dans l'étude, là, uh-huh, directement dans des salles de classe. Donc là, on sort du labo, puis on, uh-huh, s'en va dans des environnements réels. Réels. Ouais, puis aussi, ça, j'imagine que peut-être les produits sont testés à différentes concentrations dans, oui, l'air, c'est aussi, ça, par exemple. J'ai pas les détails. Pour trouver la concentration optimale, oui, par exemple. Ouais. On pourrait aller jusque-là. Puis la beauté avec la portée de cette étude-là, c'est que c'est simple. Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment ça. Tout à fait. Ce sont des produits qui sont déjà disponibles sur le marché, qui ont donc été testés pour leur toxicité, uh-huh, pour leur efficacité également. Puis si on arrive à des résultats concluants, par exemple avec ce qui est fait présentement en France, les techniques de désinfection dans les écoles et dans les hôpitaux pourraient être facilement modifiées pour inclure le nettoyage de l'air parce que c'est des produits qui, dans bien des cas, sont déjà là, uh-huh, finalement. C'est juste le processus de nettoyage qui pourrait changer. On n'est pas rendu là, mais ça pourrait. Ils sont déjà testés sur les humains, comme tu le disais. Ouais. Oui, c'est ça. Ils sont testés pour leur toxicité. C'est sûr que, bon, voilà. Tout ça, c'est connu, là. C'est ça. Et selon Caroline Duchesne, qui, bon, consacre ses recherches à ça, comme je le disais, il ne faut surtout pas sous-estimer l'impact que peut avoir la transmission des infections. Elle me faisait d'ailleurs remarquer, quand je lui parlais cette semaine, qu'on pense beaucoup à l'air lorsqu'il est question de confort, de température, d'humidité, mais qu'on l'oublie trop souvent en ce qui a trait aux micro-organismes. Puis d'ailleurs, elle m'a expliqué que l'utilisation d'un désinfectant en aérosol pourrait être combinée à d'autres processus désinfectants si on veut, comme le fait d'établir un taux d'humidité précis dans une pièce. Parce que ce qu'elle m'expliquait, j'ai trouvé ça d'ailleurs très intéressant, c'est que, par exemple, le virus de la grippe déteste les environnements humides. Mm-hmm. Et ça a été démontré en laboratoire, on le sait. C'est d'ailleurs pour ça que la grippe serait beaucoup plus fréquente en hiver, parce que l'air est plus sec, parce qu'on s'est chauffé. Donc ça démystifie le mythe que c'est parce qu'il fait froid. Bon, ça peut avoir un rôle, mais disons que moi, ça l'a expliqué certaines choses. Voilà. Oui, et avec les résultats concluants de l'étude de Caroline Duchesne, les gens à la maison, est-ce qu'ils ne pourraient pas dès maintenant utiliser leur désinfectant en aérosol dans l'air comme ça? Ben, en fait, ça nuirait sûrement pas parce que ça aurait un certain rôle, mais en, uh-huh, même temps, il faut d'abord s'assurer de la toxicité des produits utilisés. Donc, c'est pas nécessairement tous les désinfectants qui pourraient être utilisés comme ça. Là. Donc, il faudrait peut-être pas non plus en mettre trop non plus. Non, c'est là. Ça. Donc, on n'est peut-être pas rendu au stade, okay, de le faire chez soi, à la, okay, maison. Là. C'est certain que si le produit a été approuvé pour être utilisé sur les surfaces, il devrait pas y avoir de problème à ce qu'il soit diffusé dans l'air, mais il faut quand même être prudent. Là. Je voudrais pas recommander ça ce soir. Une dose à respecter, effectivement. Oui, c'est ça, exact. Et sur les surfaces versus dans l'air, on respire plus facilement, donc j'irais plus pour la prudence à ce niveau-là. Et également, un aspect important, c'est que plus les gouttelettes qui sont envoyées dans l'air sont grosses, plus elles vont tomber rapidement au sol. Donc, l'efficacité d'une bombe aérosol dans l'air ne dépend pas seulement du produit qui est utilisé, mais également du type de bruine qui est produit. Et ça, ça peut dépendre de ce qui est vendu, là. Donc, ça, c'est il faut... Du brumisateur comme tel, là, de l'appareil. Là. Oui, de l'appareil comme c'est tel. Ça. Donc, et le point le plus important à mentionner pour répondre à la question, finalement, là, c'est qu'avant d'arriver à utiliser les produits désinfectants dans l'air, il reste une étape majeure à tester. Ce que j'ai pas mentionné, c'est que dans l'étude de Caroline Duchesne, les produits ont été testés sur des bactériophages, qui sont des virus, mais des virus qui ne s'attaquent qu'aux bactéries. Okay. Donc, c'était plus simple, en fait, et plus sécuritaire pour l'équipe en laboratoire, parce que ces virus sont inoffensifs pour l'humain. Tout simplement. Mais il faut savoir que les acides nucléiques et les caractéristiques physiques des bactériophages qui ont été utilisés sont très similaires à ceux des virus pathogènes humains. Donc, les résultats qui ont été obtenus sur les bactériophages devraient normalement être représentatifs, mais on n'en est pas là actuellement. Donc, la transposition des résultats à l'humain, on n'en est pas là encore. Mais tout ça, donc, ça reste à prouver, mais c'est prometteur et c'est une étude qui est, comme je l'ai dit plusieurs fois, très simple. Donc, c'est la beauté de la chose. Et c'est en cours aussi. Donc, éventuellement, on va avoir des résultats là-dessus. Oui, et c'est fait à Québec. Ah ben ça, c'est bien. Alors, on va pas se précipiter sur les aérosols pour nettoyer l'air de nos maisons, comme tu le disais, par simplement principe de précaution pour l'instant, et on va attendre les résultats finaux avant de mettre cette recherche-là en pratique. Oui, mais c'est prometteur parce que ça serait simple, ça serait à peu de coûts, etc. Donc, alors, on va suivre la chose. Oui. Merci beaucoup, Camille. Merci à vous. On passe en publicité sur CKRL au 89.1 et au retour, on vous parle de géo-ingénierie.